belle vie, elle me fait revivre encore. Son rire, je l'entends quand je m'endors. Son rire me fait même rire de la mort. Elle chante à sa fenêtre, c'est qu'il n'y aura pas d'automne et qu'elle voudra de moi peut-être. À travers le bruit des camions, le froid et le gris du béton, je souris quand j'entends son. Chaque jour qu'elle vit, elle me fait revivre encore. Chaque jour qu'elle vit, elle me fait revivre encore. Chaque jour qu'elle vit, elle me fait revivre encore. Chaque jour qu'elle vit, elle me fait revivre encore. La machine a dansé, la machine a dansé. Te souviens-tu des rêves qu'on faisait enfin? On rêvait de s'enfuir enfin. Et quand nos paupières se ferment, on s'avouait du bout des lèvres qu'on partirait ensemble. Ne manquerait que l'eau et le pain. Il n'y aurait qu'une seule règle si on nous appelle. On ne répond pas, ne répond pas. On ne répond pas, ne répond pas. On ne répond pas, ne répond pas. On ne répond pas, on ne répond pas. Nos horaires nous dévorent, oui, s'enfuir c'est tentant. Dis-moi, qu'est-ce qui nous retient? Que dirais-tu qu'on se perde? Que dirais-tu qu'on se perde dans l'usile maintenant? Plus d'hier, plus de demain. Il n'y a qu'une seule règle si on nous appelle. Se perdre dans les joies, chaque jour avec toi est un cadeau. Allons, allons, se perdre dans les bois, toi et moi on répondra aux oiseaux. Allons, allons, se perdre dans les joies, chaque jour avec toi est un cadeau. À me chercher quelque chose à faire. Ça me prend pour moi pour me rappeler qu'hier soir je me suis saoulé. Cet après-midi quand je me suis levé, assis devant ma chine à café, en train de me réveiller le penser. C'est là que j'ai vu que t'étais pressé. J'ai de la misère ou un calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Oh tiens-moi, je m'en dévore le corps. J'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines. tu me dises que tu m'aimes. Partis en me faire engueuler, je le sais, tu m'avais dit je vais t'aider. Ça fait 100 fois que je te l'ai promis. À ce temps tu m'en regardes et puis tu ris. Rendu au bout, je suis perdu. Ça voudra dire que tu m'aimes plus. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Oh tiens-moi, je m'en dévore quand j'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs. Que tu me dises que tu m'aimes. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme tiens-moi, je m'en dévore quand j'ai besoin de toi pour me dire dans mes erreurs les plus pires. Je veux pas connaître tes rengaines. Je veux juste que tu me dises que tu m'aimes. J'ai de la misère au calvaire. J'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme l'âge dans une cage. Oh tiens-moi, je Marie-Pierre Riel, on vous retrouve lundi matin dès 6h pour le réveil. Ce sera la journée mondiale du cerveau. Qu'est-ce que votre cerveau retient pour rien? Il y en a bien des affaires dans notre tête, on va s'en parler. Et ne manquez pas à la question qui réveille vos billets pour Starmania à la Place Belle au mois d'août prochain. Bon week-end, bon début de vacances pour plusieurs, puis à lundi, 6h. Le réveil présenté par Promutuel Assurance. On est là pour tous vos besoins en assurance. Promutuelassurance.ca. Oh, mon pavé uni est tellement sale. Allô, allô. Allô, allô. Appelle Pression SD et nettoie tout sous pression. Tu vas redécouvrir la beauté de ton espace, ma chère. J'appelle, ça presse. PressionSD.ca, votre partenaire de choix. Durant les mois de juillet et août, c'est la grande vente d'inventaire d'équipements usagés chez Kubota Saint-Jean. Vous recherchez une tondeuse, un tracteur polyvalent, un tracteur agricole, un véhicule utilitaire ou même une excavatrice? Chez Kubota Saint-Jean, vous trouverez l'équipement répondant à vos besoins. Aucune offre raisonnable ne sera refusée. Financement ou location de bail disponible à un taux compétitif. Venez rencontrer notre équipe des ventes dès maintenant. 382 Croisetière Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. KubotaSaint-Jean.ca. En ce moment, les serres de l'Éden vous invitent à profiter de leurs nombreux spéciaux. Par exemple, 2 pour 1 sur les jardinières, 35 % de rabais sur les annuels et 30 % sur les pots et décorations. Pour de la qualité et d'excellents conseils, passez aux serres de l'Éden, route 116, secteur Douville. Ici Alexandre Desrochers de Royal Lepage Excellence. C'est encore le temps de vendre, mais comme vous le savez, le temps passe vite. Profitez de l'expertise de notre équipe qui dispose de plus de 50 courtiers pour vous offrir des conseils personnalisés et le service que vous méritez. Vendre ou acheter en toute confiance malgré les rebondissements du marché, c'est ça la force de Royal Lepage Excellence. 450-347-7766, royallepageexcellence.com.

derrière chacun de tes pas. Je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Derrière chacun de tes pas. Je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. L'été est ici et c'est le temps de célébrer avec le EV6 GT de chez Mega Kia Brossard. Passez de 0 à 100 en 3,6 secondes avec ses 576 HP et obtenez jusqu'à 11 500 $ en rabais et subvention pour livraison immédiate chez Mega Kia Brossard. Mega Kia Brossard. Je viens de parler à la voisine. Tu croiras pas tout ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont visité une ferme de kiwis, exploré un fort de 1819, fait du kayak à travers plein d'îles. Ça semble qu'on fait jamais rien, nous autres. Hey, on s'est dit qu'on voyagerait pas cette année. Il n'y en a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Ils ont tout fait ça autour d'ici, aujourd'hui. Des découvertes surprenantes qui donnent la sensation de voyager ailleurs. C'est aussi ça, la Montérégie. La Montérégie, c'est notre bout du monde. Connaissez-vous le diamant de laboratoire? Produit grâce à la technologie moderne à moindre coût, il est aussi magnifique qu'un diamant naturel et conserve les mêmes propriétés que celui-ci. Venez le découvrir dans l'une de nos deux bijouteries. Longevin le bijoutier à Delson et Saint-Jean-sur-Richelieu. Longevinlebijoutier.com. Hey, connaissez-vous le resto chez Écrapou? Il spécialise dans les poutines, les gros chiens chauds, les smoked meat et les smash burgers. Savez-vous c'est quoi un smash burger? Non! C'est un hamburger avec une boulette écrapoutie pendant la cuisson qui lui donne une saveur puis une texture exceptionnelle. Bref, chez Écrapou, c'est la quintessence des casse-croûtes où tout est fraîchement préparé avec amour et rapidité par le chef Jean-François Parot et Pierre-Luc Lavoie. Ben ouais, la même gang que chez Édouard Smoke Meat. Venez manger les meilleurs smash burgers chez Écrapou au 20 boulevard Jean-Paul Vincent à Longueuil. Gagnon, c'est votre grande quincaillerie pour vos projets de construction. Faites confiance aux fins connaisseurs et passez voir notre équipe. Matériaux, plomberie, électricité, peinture, produits saisonniers, on sait vous outiller. Gagnon, la grande quincaillerie. On est là pour ça. Un déménagement, c'est stressant. Heureusement, vous pouvez compter sur les experts de déménagement et entreposage La Prairie pour vous offrir un service sécuritaire et efficace. Demandez une soumission gratuite au déménagementlaprairie.ca, le spécialiste québécois du déménagement local et longue distance depuis 1980. Cet été, ça se passe dans votre cour et chez Club Piscine Super Fitness de Saint-Jean. Passez-nous voir en magasin pour découvrir nos nouveaux modèles de piscine hors terre, nos nouveautés dans la section meubles de jardin et une tonne de rabais. Votre meilleur allié pour l'été, c'est votre Club Piscine Super Fitness de Saint-Jean. Prenez la route des vacances à bord d'une Vaux de chez Haut-Richelieu Volkswagen. Nous avons présentement plus de 50 véhicules d'occasion de toutes marques pour livraison immédiate, en plus de nos véhicules certifiés par Volkswagen Canada. Haut-Richelieu Volkswagen, naturellement. Il est maintenant temps d'aller voter pour votre projet coup de cœur du programme Au cœur de votre collectivité de Promutuelle Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches, secteur Ouest. Une initiative d'ici qui soutient financièrement des projets d'organismes contribuant au mieux-être de notre communauté. Notez, rendez-vous sur le site Internet de Promutuelle Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches et découvrez les 9 projets sélectionnés dans la région. Faites vite, la période de vote prend fin le 22 juillet. Promutuelle Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches, là pour redonner à notre collectivité. Chérie, qu'est-ce que tu fais de beau si tôt? Ben, j'étais bien trop curieux, là. Je voulais savoir ce que tu as choisi pour notre nouvelle cuisine. Fait que je suis allé voir sur la boutique en ligne de Harvey Fils. T'avais raison, c'est tellement beau! Harvey et Fils, c'est le plus grand choix d'armoires en inventaire. Livraison rapide ou ramassée en magasin. Notre équipe sera présente tout au long du processus et fera même l'installation. C'est aussi le plus gros centre de comptoir sur la rive sud. Et chez Harvey et Fils, vous économiserez, car c'est moins cher que dans les grandes surfaces. Harvey et Fils sur la rue Harvey à Saint-Hubert. Visitez leur boutique en ligne au harveyfils.com.

età, soffrire un po' ma almeno io vivo. Just friends, and next time we laughed and said we'd never do it again. Now we're four shots deep on Bourbon Street, looking at you, looking back at me. I can't help it, I'm helpless, I'm starting to sense a trend. Something about your body at a party got me falling like quicksand into whiskey, wishing we got everybody looking at us like, will they, won't they ever listen? We saw love. All night long, suddenly all I want. And I start picturing, saying I do. Waking up, thinking, what did I do? When we're sober, we deny that crush. Too damn scared to mess a good thing up. But I start drinking, you start drinking, we start thinking we're in love. Dans mes veines, du premier verre au dernier, les lumières qui s'éteignent, ma main dans la tienne, l'après-goût de nous le lendemain. On connaît déjà pas qu'un autre chimie comme notre regard. On se mélange comme on s'attire. Ce qui manque à ma vie étrange, la goutte qui viendra à bout de moi, c'est toi. We start looking like a good idea. Kill a bird and do all of our fears. And kissing you all night long. Suddenly all I on y fait, je mets le tout pour le tout. Jamais on n'a osé à tête froide. Pas par de vie de notre façade. Mais plus on voit, plus on se voit, plus on y croit. We're in love. Est-ce l'amour, l'addiction, un mauvais détour? C'est le bon, si c'est bon. 104.1. S'il faut assouvir ensemble nos désirs, flirter sans retenue dans les nuits, vibrer de plaisir, allez viens on danse. S'il faut chanter pour oublier nos secrets, c'est si beau de pouvoir s'aimer, faire ce qui nous plaît, c'est tout ce qu'il nous faut. T'as rien de mieux ailleurs, si la fin du monde est bientôt. Allez viens ici, délaissons nos peurs. Nous on traque à la vie, ensemble on fait face aux interdits. T'as rien de mieux ailleurs, t'as rien de mieux ailleurs, t'as rien de mieux ailleurs. S'il faut vivre la violence à coups de bombe, compter tous les malheurs dans le monde. Oui, on peut le faire, mais faire l'amour au lieu de la guerre. S'il faut crier nos valeurs dans la rue, sans revenir sur nos droits dus. Je sais ce qu'il nous faut, y'a rien de mieux ailleurs, si la fin du monde est bientôt. Allez, viens ici, délaissons nos peurs. Nous, on traque à la face aux interdits. Y'a rien de mieux ailleurs, y'a rien de mieux ailleurs, y'a rien de mieux ailleurs, y'a rien de mieux ailleurs. Sont trop lourds à porter. Fermons les yeux et dansons, c'est tout. Les stroboscopes vont nous guider. La nuit elles sont, les étoiles nous manquent. La pièce de danse est là, toute brillante. Nous emporte si loin, si haut. À tout ce qu'il nous faut. Regarde mieux ailleurs, si la fin du monde est bientôt. Allez, viens ici, délaissons nos peurs. Nous on traque la vie, ensemble on fait face aux intérêts. We'll be right back. Les gens se font beaucoup moins de bien que de tort. Sur tes deux oreilles, tu dors encore. Si les pleurs sont les joues en coulée, et le temps plus rien ne peut changer. Lorsque ce jour viendra et que je partirai, crois-moi, tu te réveillerai. M'endors en toi. Pas encore la fin du monde. Pas encore la dernière seconde. Jour de pluie, bientôt ça sera. De l'aurore jusqu'au matin, je sens ton corps qui se colle au mien. Les yeux grands ouverts, on y rêve encore. L'encre sur ma peau témoigne de nos histoires. Je n'ai jamais assez de nous. On s'est arrêté en plein milieu de nulle part. J'en remercie le ciel encore à chaque soir. Un verre à la main en regardant l'horizon. And it's worth every second. Just me and you cruising, chasing every sunset. Jamais changer de voix, y'a rien qui nous a